Rail suprême. 2 heures. DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? C'est parti, comme chaque dimanche soir, DJ Case au contrôle Rail Suprême en ce 14 février. Bonne Saint-Valentin à tous, ou du moins ceux qui sont maqués à l'écoute de Rail Suprême sur Skyrock. Sinon pour les autres, peut-être que le son de DJ Case vous mette bien, c'est ce qu'on espère maintenant. Coup d'envoi de ce Rail Suprême sur Skyrock, comme chaque dimanche soir, c'est parti. Skyrock. Ça fait en bas les mains, bas les mains.

faccio la banana, non mi sta la banana, sta la banana, sta la banana, sta la banana, sta la banana, sta la banana, sta la banana. Près des DJ K sur Skyrock. Yeah. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. ¡Gracias!

fuente guayé.

italiani. C'est bon. Écoute. Et un babour, y'a mon amour. Kharjni ben la misère. Californie, on fumait 350 PNJ sur les bords de la corniche. Habchini, Merli, j'ai rien à perdre. Rien de calme, malade mental. Plus connu que le head, j'm'en bats. J'voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que j'taille. Comme chef Hesney, j'suis sentimental. Partir loin, rien à perdre. Riposton ou lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibéni, j'vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yahman, laisse-toi et danse. Ça fait plaisir. Et un babour, y'a mon amour. Kharjni men la misère. Bilani, bilani, mahdour. Aïe, taïe, toujours imar. Marra, dis, mon casse-moi. Fidèle, il s'affle longtemps. Et bien, il sait, lui, qui je suis. Minuit 2h dans Rail Suprême sur Skyrock.

Sky Suprême en direct sur Skyrock.

c'est le DJ Kaze. On se retrouve tous dimanche soir à minuit pour Rail Suprême. Skyrock. I'm gonna make you mine.

Kays, on se retrouve tous les dimanches. Et c'est déjà la fin de ce Rail Suprême. La semaine prochaine, rendez-vous avec DJ Kays au platine, à pas louper Rail Suprême. C'est reparti pour le son de Skyrock. D'ici là, passez une bonne semaine, bonne fin de week-end, bonnes vacances à ceux qui veillent tard avec le son de Skyrock. Rap, R&B non-stop, c'est reparti. Et Rail Suprême dans une semaine. Ciao.